بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تمام، درس اليوم سيكون في المسألة الثامنة والتاسعة وعشرة بإذن الله تعالى، وقد مر بنا سبع مسائل بفضل الله تعالى فيما يتعلق ب ما كان عليه أهل الجاهلية من الصفات الذميمة والمنكرة. Celles par lesquelles le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est venu pour s'y opposer et enseigner le contraire à sa communauté. Donc là, la huitième mas'ala qu'on va prendre, بعنوان الاستدلال بأن ما عليه دعفاء ليس حقا. Que pour eux, ce sur quoi se trouvent les gens faibles n'est pas la vérité. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في المتن الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلى الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وقوله تعالى أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. Donc la traduction du sens du matn qui prennent comme argument qu'une chose est vaine et fausse du fait qu'elle n'est suivie que par les faibles, les gens faibles. Et cela est démontré dans la parole d'Allah dans le sens où il dit « Allons-nous te suivre alors que ne sont avec toi que les rabaissés, les avilis ?» Là, c'est le peuple de Nour qui dit ça à Nour. Et ça part dans le sens où il dit « Est-ce que ce sont ceux-là que Allah a gratifié sur nous » C'est-à-dire en faisant allusion aux pauvres. Et aux affaiblis plutôt. Donc Allah a répondu à toutes ces prétentions par sa parole dans le sens où il dit « Et n'est-ce pas Allah qui est plus savant donc qui sont les reconnaissants ?» Allah c'est mieux qui sont les reconnaissants. « Faqala shir al-fawzan »« Hafizallahu ta'ala »« Mualliqan ala hadha al-fakra »« Hadhi al-mas'alatu aksu allati qablaha »« Wa yal-stillalu bil-kuwa »« Ala anna ashabaha lal-haq » وفي هذه المسألة يستدلون بالضعف ولا أن الضعفاء ليسوا على حق ولو كانوا على حق ما صاروا ضعفاء. Donc cette masala actuellement là, c'est le contraire de la précédente, la septième, qui était que la vérité, il se base sur les gens de la vérité, sur les gens de la force et de l'intelligence et de haut rang pour distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Elle implique au contraire que pour eux, ce sur quoi sont les gens faibles, c'est là. Cela est faux. D'accord ? Que les gens faibles ne peuvent avoir la vérité avec eux. Donc là, il dit que c'est justement un mizane des gens de la Jahiliya, pour qu'ils puissent savoir le vrai du faux. Pour eux, les gens du vrai, ce sont les gens forts. Les gens du faux sont les gens faibles. Alors qu'ils ne savent pas, la ya'lamuna an al-quwwata wadh-dhaf bi yadillahi subhanahu wa ta'ala, wa anna adh-dha'if qad yakuna la haqq. Donc, ils ne savent pas que la force et la faiblesse sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que le faible soit sur la vérité et que le fort soit sur le faux. Donc ça, c'était la logique du peuple de Nour. Qui lui ont dit, allons-nous te croire alors que ne te suivent que les affaiblis? Et dans l'autre verset, dans le matn, où Allah dit, وما نراك اتبعك الى الذين هم اراذلنا بادري. Lorsqu'ils ont dit nous ne voyons que ne t'ont suivi que ceux qui sont irréfléchis. Tayeb, c'est-à-dire qu'ils ont dit à Nour ceux qui t'ont suivi sont ceux qui ne réfléchissent pas. Ils t'ont suivi sans réflexion. Et également les mouchrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se moquait des faibles parmi les croyants. Misl Bilal, wa Salman, wa Ammar ibn Yasir, wa Abi, wa Ummihi, yaskhaluna min du'afa al-sahaba. Hatta innahum qalu, ma najlis ma'aka wa ha'ulai 'indaka, ij'al lana majlisan ghayr majlisihim hatta natafaham ma'ak. Et ils ont dit quoi, ces gens de Quraysh, qui étaient les notables de Quraysh, ils ont dit nous, on ne s'assoit pas avec toi. On ne fait pas d'assises avec toi tant que ces gens-là sont présents, c'est-à-dire les faibles parmi les mu'minines. Mais plutôt fais-nous une assise privé entre nous et toi afin que nous puissions nous entendre sur quelque chose. C'est-à-dire sans ces gens-là. Car ils ne sont pas, d'après eux, ils ne sont pas en droit de s'asseoir avec eux. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم أراد أن يجعل لهم مجلسا فعاتبه الله عز وجل بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le soin qu'il a porté à vouloir guider ces gens-là de Quraysh, il a voulu agir comme ils l'ont, lui ont demandé, leur faire une assise propre. Et de là, à ce moment-là, l'a repris. C'est-à-dire que ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été fait, n'allait pas être en concordance avec ce que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voulait à ce moment-là. Ça a été un ijtihad de sa part. Donc là, Allah l'a repris par sa parole, où il, dans le sens, ne renvoie pas ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, qui veulent son visage, leur compte ne te revient pas, et ton compte ne leur revient pas. Et si jamais tu les renvoies, tu seras du nombre des injustes. Et c'est comme cela que nous avons éprouvé certains par d'autres, afin qu'ils disent, est-ce cela que Allah a gratifié sur nous? Donc là, c'est un nokta muhimma. Et également, alhamdoulilah, une réfutation. C'est une parenthèse que j'ouvre, par rapport à ceux qui disent que, qui reprochent à Shayr, Yahya, Hafizallah Ta'ala, d'avoir dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait commis une erreur dans Masail al-Da'wa, dans Surat Abasa, lorsque Ibn Maktoum a voulu venir et qu'il l'a mis de côté pour faire passer les nobles de Quraysh. Les gens ont dit, comment est-ce que Shayah peut dire cette parole-là, que c'est une erreur et que c'est une diffamation envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de faire croire que celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été en concordance avec ce qu'Allah voulait sur une mas'ala, parmi les mas'a'il, et que cela est une offense envers sa personne. Là, qu'est-ce qu'il vient de dire, cher Al-Fawzan? La même chose. Que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'était un homme ijtihadi. Car comme on l'a appris dans les mas'a'il, as-sunnah wahi, c'est une révélation totalement. D'accord? Mais il y a une partie de la sunnah qui parfois peut être un ijtihad du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par la suite Allah confirme ce qu'il a vu, ou alors le corrige. Donc quoi qu'il en soit, ça revient à la révélation. Mais des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam émet un avis avant que la révélation d'Allah spontanément ne lui parvienne. Il fait un ijtihad. Et de là, Allah, ou il le confirme, ou alors il le corrige, il le rectifie. Et là, c'est des masnades dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis un avis qui n'était pas en concordance avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu de lui. Donc de là, Allah l'a repris avec ce verset. Donc ce n'est aucunement une offense. Quand Allah a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Innama nabashurun miskukum yuha ilayya » Il dit « Je suis un humain comme vous, auquel on révèle. » C'est-à-dire « Je suis un humain », c'est-à-dire que l'être humain n'est pas infaillible sur certains points. En ce qui touche à la révélation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, il est infaillible. Il est infaillible. Quand la révélation lui est parvenue, il est infaillible. Mais sinon, c'est un être humain qui est amené à faire des ijtihadat, des efforts de réflexion sur des masa'il sur lesquels il n'a pas eu la révélation encore. Et là, on parle de ce qui touche à la révélation. Naam. Donc là, ça démontre comment ces gens-là sont injustes. Car sans quoi, eh ben, actuellement, ils s'en prendraient également à Shayr Fawzan pour cette parole-là. Al-Muhim, pour revenir au sujet, c'était une parenthèse, on la referme. Que ces gens-là, les gens de la Jahiliya, méprisent les faibles et les pauvres et les affaiblis et disent que ces gens-là, leur faiblesse démontre qu'ils ne sont pas sur la vérité. S'ils avaient été forts, ils n'auraient pas été sur la vérité. Et bien on peut répondre également à ces gens-là que Pharaon était parmi les gens les plus forts à son époque. Il était peut-être l'homme le plus fort sur terre. Est-ce qu'il était sur la vérité? Qaroun, qui était l'homme le plus riche, peut-être l'homme le plus riche de tous les temps, est-ce qu'il était sur la vérité? N'était pas sur la vérité. Ouais, Zalika. Rome, Aul Faris, les Perses à l'époque, qui étaient peut-être les peuples, les Romains, qui étaient les peuples les plus puissants sur terre. Ils étaient forts. Est-ce que la vérité était avec eux? Donc la faiblesse, ou même le petit nombre, n'est pas un argument en soi. Pas du tout. Et cette façon d'argumenter est celle des gens de la Jahiliya. D'accord? Même demain, il y a un conflit entre plusieurs groupes. Tu vois que ceux-là sont les plus nombreux, sont les moins nombreux. Le nombre ne veut pas dire forcément qu'ils ont raison. Mais il faut regarder sur quoi ils se basent pour dire ce qu'ils disent et savoir qui a raison, qui a tort. طيب فهذه كانت المسألة الثامنة ثم قال المسألة التاسعة اقتداؤهم بفسقة العلماء والجهل العباد qu'ils suivent les pervers des savants parmi les savants et les ignorants parmi les dévots, les adorateurs. نعم فقال المؤلف رحمه الله تعالى اقتداؤهم بفسقة العلماء والجهل العباد فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأخبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقوله تعالى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءكم من قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Donc il dit que ces gens-là se suivent et se basent sur les savants pervers, c'est-à-dire déviés, réalisadika, et les ignorants parmi les dévots. Donc Allah, dans le sens, il a dit, ô vous qui avez cru, sachez que beaucoup des rabbins et des moines mangent les biens des gens en toute injustice, et qu'ils obstruent le sentier d'Allah. Et ça part dans le sens où il dit, et n'exagérez pas dans votre religion autre que la vérité, et ne suivez pas les passions d'un peuple qui sont égarés, qui ont beaucoup égaré, et qui sont égarés du chemin droit. فقال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى شارحا لهذه الفقرة قال من مسائل الجاهلية الاستدلال بفسقة العلماء والفساق طيب والفاسق هو الخارج عن طاعة الله في عمله وعلمه donc il dit parmi les masailles de la jahiliya que ces gens là argumentent par les paroles des savants pervers. Et qu'est-ce que le pervers est fasiq? C'est ce qui est sorti de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa science et dans ses actes. Donc il dit par la suite que les ulama fusaqah, ou fasaqah des ulama, humul ladhina la ya'maluna bi'ilmi, ce sont que ceux qui n'appliquent pas leur science. Et qui mentent sur Allah, alors qu'ils le savent impunément. Ceux qui disent cela est halal, wa hadha haram. Alors qu'ils savent qu'ils sont menteurs en cela. Et cela pourquoi en but d'arriver à leurs objectifs. Ils ont par là un but. En rendant le halal haram et le haram halal, ils ont un but en cela. Et qu'ils ne suivent les passions. Et se servent de leur statut de savant. Donc les gens, yafiquna bihim, leur font confiance. Et les fasaqat parmi les dévots, les adorateurs, ce sont ceux qui adorent Allah ou qui œuvrent sans science. Donc c'est le contraire. Et les gens leur font confiance, pourquoi? Car ils disent cela, ce sont des gens pieux. Pourquoi? Ils font tout le temps des bonnes œuvres. Mais leurs œuvres ne sont pas bâties sur la science. Donc on a là deux cas. Ceux qui ont la science et qui ne l'appliquent pas, et qui s'y opposent, et ceux qui n'ont pas de science et qui appliquent. Donc là le shir dit bien, فَلَا يُخْتَرُّ بِالْعَالِمْ وَلَا الْعَابِدِ حَتَّى يَكُونَ كُلَّ مِنْهُمْ مُسْتَقِيمًا عَلَى دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc il a dit quoi? Il ne faut pas se laisser leurrer par le savant ni par le dévot tant qu'il ne soit pas sur la droiture de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça prouve bien que ce n'est pas le mot savant s'il est appliqué à quelqu'un qui veut dire forcément qu'il est droit. C'est une chose qui est importante, que beaucoup n'ont pas compris. Et ce n'est pas non plus toute personne que tu vois qui est dans l'adoration, dans la dévotion constamment, que cela implique que c'est une personne également qui est sur la droiture et qui est sur la vérité. Il faut comparer leurs actes avec le kitab wa sunna. C'est pour ça qu'il a vu le verset que beaucoup de moines et de rabbins mangent impunément l'argent des gens. Le rabbin, l'ahbar, c'est les savants des Bani Israël, des juifs. Et l'urban, ce sont les moines, les dévots parmi les chrétiens. Ce sont les moines. D'accord? Et ces gens-là étaient connus, les rabbins, pour avoir beaucoup de science, et les rabbins pour être des gens, des grands ascètes, des grands dévots. Et bien malgré cela, regarde ce que Allah Spantala a dit sur eux. Donc les gens, on ne peut les faire leur éloge ou même le contraire si ce n'est en basant leurs actes sur le kitab wa sunna. Donc ces gens-là ont rendu du halal haram et du haram halal par passion et pour pouvoir en soutenir ou en soutirer des avantages pour eux. Donc de là, parmi eux, t'en as pour faire plaisir aux gens également, ils cherchent des tricheries, des tromperies, afin de trouver des permissions pour les gens dans leur religion. Ou même quitte à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, en vue de la maslaha de Fulain, de un tel et de un tel. Donc, ha'oula, hum fasaqo al-ulama, comme le shir il a dit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre eux. Et les yahoud, les juifs, hum al-mardoubu alayhim, ceux qui ont couru la colère d'Allah. Pourquoi? Car ils n'ont pas appliqué la science qu'ils avaient. Et les dhalloun, yannika fi fatiha wa la dhallin, eux, ce sont les chrétiens qui ont agi sans science et qui sont égarés. Donc le shi'a, il dit un point important qu'on voit que beaucoup de gens sont, par lesquels sont concernés aujourd'hui, et même des gens dans la sunna, dans la salafia. Il dit bien, وَالْأَنْ إِذَا سَارَ الْوَاحِدْ رَغْبَةً فِي شَيْءٍ قَالَ هَذَا أَفْتَى بِهِ فُلَانٍ. Que si maintenant une personne veut quelque chose, d'accord, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Shir Fulan, il a fait une fatwa. Dun nazar il mustanadihi, nil kitab wa sunnah. Taqul lahu hadha fatwa khata, wa yakul ma alayya, madama kod afta biha Fulan. Exactement ça. Il ne regarde pas si cette fatwa est conforme au kitab wa sunnah. Et lorsqu'on lui dit, cette fatwa c'est une erreur, il dit, non. Moi, ça ne me concerne pas ou quoi. Tant que Fulan a fait la fatwa, c'est qu'elle est bonne. Il regarde la personne et non pas l'origine. Donc le shir dit bien que si cette fatwa correspond, ne correspond pas, on va dire, avec leur passion, ils disent que la fatwa n'est pas bonne, ou elle est dure, ou elle est zalika. Et que si la fatwa elle correspond avec ses fatwas, avec si cette fatwa correspond avec ce qu'il veut, ses passions, alors il accepte, il fait l'éloge de ses savants et n'écoute pas les autres. Et ils disent aux autres, soyez pas trop durs, pourquoi? Parce que l'autre l'appelle à la vérité, le conseil. Et ce conseil s'oppose aux passions de cette personne-là. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la dureté. Et c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, surtout avec les salafis, vous êtes trop durs. Pourquoi? Parce qu'on les appelle à la vérité. Et même chez les salafis maintenant, t'as des tabakat, t'as des niveaux. Et parmi eux, t'en as certains justement, ils ont la même vision des choses. Ils veulent quelque chose. Ils vont voir le shir qui savent qui est laxiste, qui est mou dans ses fatwas, pour tirer une fatwa. Une fois qu'il a ce qu'il veut, on lui dit, c'est pas, ce que tu fais là, c'est haram, ou tu te opposes, il dit non, chez un tel, il a fait la fatwa. Tu dis la fatwa, elle est fausse, il dit comment? Tu critiques Shir Fulan? On dit, ça peut être un mouchtaïd, il se trompe, ou ça peut être un shir, on sait, non, c'est quelqu'un qui est dans la fatwa, il n'est pas apte à faire des fatwas. Il y en a. Et ils sont connus. Fa'i dit, هل العالم أكبر من الكتاب والسنة فلا تعرض قوله على الكتاب والسنة. Le shir dit, est-ce que le savant est plus haut que le kitab wa sunnah, au-dessus des règles que ses paroles ne doivent pas être exposées sur le kitab wa sunnah? Qala wa inna ma yafalu hadha al ahwa wa la azab billah. Il a dit, ouais, regardez bien, ceux qui agissent comme cela sont les gens des passions. Et après c'était le verset, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba. Exactement la même chose. Fayuqal idha nuhu an al bid'ati allati hazzara minha rasul sallallahu alayhi wa sallam qalu hadha هذه يعمل بها فلان وهو عالم أو صالح ويعمل بها أهل البلد الفلاني وهم عندهم صلاح وتقوى. Donc si jamais on leur interdit de faire des bida, celle dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, eux disent quoi? Mais un tel il le fait, et c'est un savant, et il est pieux. Ou tel acte, les gens de tel pays ou tel pays le font. Par exemple, comme Chamoubi l'a dit, beaucoup de gens ici, ils utilisent ce qui se passe à Mecca ou El Medina ou tout en Saoudi pour dire que c'est forcément la vérité, ce que ça vient de la Saoudi. Non, pas forcément. فبعد هذا قال الشيخ ونقول الصلاح والتقوى لا يكفيان لابد من موافقة الكتاب والسنة. هذه جملة مهمة جدا. Il dit que la réforme et la piété ne suffisent pas. Il faut également que l'acte soit conforme au livre et à la sunna. Très important. Il faut que l'acte soit conforme au kitab et à la sunna. فقال يكمل بهذا فأخذ أقوال العلماء والعباد قضية مسلمة دون عرض على الكتاب والسنة هي طريقة أهل الجاهلية الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Donc il dit, le fait de prendre les paroles des savants ou des dévots pour pouvoir appliquer sans pour autant l'exposer et la comparer au livre de la sunna, ça c'est la voie des gens de la jahiliya, ceux qui ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. ونكمل إن شاء الله بالمسألة العاشرة. La dixième مسألة. بعنوان رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم. Qu'ils accusent les gens de religion, qu'ils ont une faible compréhension, qu'ils ne comprennent pas les choses et qu'ils n'assimilent pas les choses. ثم قال الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الري. Donc eux, ils viennent dire que la religion elle est fausse, se basant sur cela, en disant que les gens de cette religion sont des gens qui ne comprennent pas, qui n'assimilent pas, des gens irréfléchis. En prenant la parole d'Allah dans le sens où il dit, et le shir se sert de la parole d'Allah dans le sens où il dit, des gens irréfléchis. C'est-à-dire dans surat Hud, qui est passé dans la masala précédente. Ils ont dit au peuple de Nour, « Ma naraka tabaraka illa ladhina hum araziluna badi rayi » nous voyons que ne te suivent que ceux qui n'ont pas réfléchi. Donc ces gens-là, comme a dit le shir, « Yartabiluna fayu'iruna adba'a rusul bienna ma'indahum fahm wa la hadhaq lil'umur wa la'indahum bourd al-nazar » Donc ils critiquent les gens qui suivent les messagers en disant qu'ils n'ont pas de compréhension ni d'assimilation et qu'ils ne voient pas loin. Il a dit ça, c'est une chose qui résulte aujourd'hui, que l'on aperçoit aujourd'hui chez beaucoup des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les fasaqas. Que eux, ils critiquent les musulmans et les ulama des musulmans, les vrais ulama des musulmans, en disant que ces gens-là n'ont pas de compréhension et ne voient pas loin. Yatanaqasuna bihadhihi al-fariya. Vous voyez, ils les méprisent. Ils réduisent de leur rang et les rabaissent par cette prétention. Ma'ana ulama al-muslimin hum ahlul basira wa hum ahlul ma'rifa li'annahum yanzuruna bi nurillahi 'azza wa jalla wa ya'muruna bi amrillahi wa yanhuna 'an amanaha Allah. Donc les gens de la science à la base sont les gens de la clairvoyance et les gens de la connaissance, car eux ils voient avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ordonnent ce que Allah a ordonné et interdit ce que Allah interdit. Et là il fait allusion aux ulama qui appliquent leur science, bien évidemment. Et il dit que par la suite, justement, que les ulama qui appliquent, il dit bien, wala shakka an al ulama al amilin hum afdal al nas ba'd ar rusul alayhi salatu wa salam. Alayhim as salatu wa salam. Qui dit qu'il ne fait aucun doute que les savants qui appliquent sont les meilleurs des gens après les messagers. Alayhim as salatu wa salam. Et que le mérite du savant sur le dévot, l'adorateur, c'est comme le mérite de la lune sur toutes les autres planètes. Donc ne réduis pas durant des ulama et ne les accuse pas en disant qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne voient pas loin. Car en faisant cela, tu rentres dans la ressemblance aux gens de la Jahiliya. Comme l'ont fait comme Nour, le peuple de Nour, avec ceux qui ont qualifié ses suiveurs comme étant des gens irréfléchis. Et cela afin de quoi? De faire fuir les gens d'eux. Et c'est aussi une chose qu'on voit aujourd'hui, comme le shir le dit par la suite, ceux qui disent que les ulama, ce sont des gens qui n'ont pas le fiqh du waqi'a. Ils ne connaissent pas, ils connaissent pas l'actualité. Ou hum ulama al-haid, les ulama des menstrues. Ou ulama al-stijmar, les ulama de la purification. Mourir les alika. Ces gens-là, dans leurs paroles, ressemblent aux gens de la jahiliya. Et spécifiquement, on a des gens aujourd'hui, comme des gens, à l'exemple de Tariq Ubro, ou des gens comme Hassan Hussein, ou des gens comme Bajrafil, ou Raylihim, qui critiquent les salafis pour ça, en disant que ces gens, ils sont stupides, ils ne comprennent rien. Ce sont des gens attardés, et les alika. Et qu'on ne voit pas loin. Et se croient meilleurs. Et d'autres, qui sont sur le même manhaj. Ils dénigrent les salafis par ce genre de prétention. La même parole. Donc en cela, leur façon de faire, c'est celle des gens de la jahiliya. Car ils se croient cultivés, intelligents. Et en réalité, ces gens-là détruisent l'islam de l'intérieur. Attention à ne pas critiquer les gens de la vérité sous prétexte qu'ils sont soit peu nombreux, soit qu'ils sont faibles, soit qu'ils sont irréfléchis. Ou al-zalika min al-tuhumat al-ba'atila. Naam. Donc là, c'est les trois masales qu'on a pris aujourd'hui qui sont la huitième, que ce sur quoi se trouvent les faibles ne peut être la vérité. La neuvième, qui est qu'ils prennent et suivent la voie des savants pervers et des jouhels parmi les ubbad. Et la dixième, qui est qu'ils accusent les gens de la religion de ne pas avoir de compréhension et de ne pas voir loin. Akada. Fabi hadha al-qad naktafi wa nakul alhamdulillahi rabbil alamin.